J'entre en cabine 2013, les mecs doutent. Mais c'est qui ce grand roumain? Touche pas les boutons, je vais te mettre toutes les aiguilles dans le rouge, tu connais. Je rappe avec les couilles sans déconner. Je reviens avec la haine, la colère, 100% de mes collègues. Je porte toujours pas la veste en soirée. Mais je me suis jamais senti aussi bien qu'avec le pute qui me reste d'enfoiré. Je l'ai perdu comme un frère, c'est tout. Je tourne la page, mais je suis juste un peu plus dark depuis qu'Apache est dans la terre, c'est tout. Je vis dans la douleur, t'as compris, a priori. Je reviens peindre les rues de la ville, la couleur sera gris horrible, sombre. Encore un 16 mourant. Reste au calme, dormez sur son chaise roulant dans un pet au casque. Moi j'ai passé la merde, plané comme un drone. Puis j'ai comparé, c'est la même planète en un peu moins drôle. Je me fous toujours autant de la terre que de Mérine. Donc tu me trouveras dans le même trou, je suis dans la merde que je mérite. J'ai pas changé d'arme entre temps. Le stylo glisse sur le papier comme une lame dans un ventre tendre. Puisque ce temps balaye mes textes, enfin j'ai 7 lettres. Basta, je suis celui qui déteste, enfin j'ai 7 lettres. J'ai pas changé d'arme entre temps. Le stylo glisse sur le papier comme une lame dans un ventre tendre. Puisque ce temps balaye mes textes, enfin j'ai 7 lettres. Basta, je suis celui qui déteste, enfin j'ai 7 lettres. Oh, c'est un peu de volonté, Eric, ce cœur trop aride. Je pense c'est un, je me suis trompé. J'ai pris ce qu'on m'a pris, un pot, mais prends la route avant que tout. Et là je l'en prive, je le promets devant vous. Là je tourne des pages remplies. Demi-tour, le soir de fête, je pourrais faire deux rimes doubles. 2012, je croise le fer pour les frères de Vindou. Taper fort dans le placo, ils vous pendre au fond. La vie me tousse de ma colline, un autre pays francophone. T'as vu l'extérieur, encore pire, l'intérieur est en ruine. Je suis mystérieux, non, je déconne. Car le meilleur est en lui. Le porte-flingue tombe avec la justesse de la neige. C'est pas la fin du monde, non, juste celle de la mèche. Pour être pauvre comme tous, le pain de la vie, écrit tes sons comme pousse. Pour être pote, je repeins la ville en gris très sombre. Nu, sans montage, j'ai souri à ce qu'on rate. Les purs sens sont fragiles, je suis solide comme un bâtard. J'ai pas changé d'arme entre temps. Le stylo glisse sur le papier comme une lame dans un ventre tendre. Puisque ce temps balaye mes textes, enfin j'ai 7 lettres. Basta, je suis celui qui déteste, enfin j'ai 7 lettres. J'ai pas changé d'arme entre temps. Le stylo glisse sur le papier comme une lame dans un ventre tendre. J'ai faim, on ne croit pas, mais qu'est-ce ton avis? Regarde bien si les chiens n'ont que trois pattes et laisse ton avis. Bastard.